représente une dépense de plus de 2 000 $ par année. Le tabac est un produit hautement toxique. Il cause la dépendance. Sa puissance peut se comparer à celle qui est générée par l'usage de l'héroïne et de la cocaïne. Les jeunes peuvent ressentir les premiers symptômes de dépendance à nicotine rapidement dès le premier